Ma vie, de Isadora Duncan. Deuxième épisode, le succès. Partie de San Francisco pour New York, Isadora Duncan et sa famille y ont passé 4 années. En 1899, lassée de l'incompréhension des Américains face à son art, elle décide de partir pour l'Europe. Après une année difficile à Londres, toute la famille s'installe à Paris au printemps de 1900. Nous nous levions à 5 heures du matin, tant notre joie d'être à Paris était vive. Nous commencions la journée en dansant dans les jardins du Luxembourg, puis nous marchions pendant des kilomètres et nous passions des heures au Louvre. Nous restions tant de temps dans la salle des vases grecs que le gardien fut pris de soupçons. Quand je lui eus expliqué à l'aide d'une pantomime que je n'étais venue que pour danser, il décida qu'il avait affaire à des fous inoffensifs et nous laissa tranquilles. Chaque jour, nous retournions au Louvre et l'on arrivait à peine à nous mettre dehors à l'heure de la fermeture. Nous rentrions à pied dans le crépuscule, nous arrêtant devant les statues des Tuileries, et quand nous avions avalé notre dîner de haricots blancs salade et vin rouge, nous étions à peu près aussi heureux qu'on peut l'être. En dehors du Louvre, nous visitâmes le musée de Cluny, le musée Carnavalet, Notre-Dame et tous les musées de Paris. Il n'y avait pas un monument devant lequel nous ne demeurions debout, immobiles d'admiration, nos jeunes âmes américaines transportées à la vue de cette culture que nous avions tant lutté pour découvrir. Le printemps fit place à l'été et la grande exposition de 1900 s'ouvrit. Elle m'a laissé une impression profonde. Celle des chorégraphies de Sada Yako, la grande danseuse tragique du Japon. Tous les soirs, je frissonnais devant l'art extraordinaire de cette grande tragédienne. Une autre impression, plus forte encore, que j'ai gardée toute ma vie, fut celle du pavillon Rodin, où les œuvres complètes du sculpteur étaient présentées pour la première fois au public. Quand je pénétrais dans le pavillon, je demeurais frappé d'éblouissement devant l'œuvre du grand maître. Je sentais que j'étais dans un autre monde. Et chaque fois que je revenais, je m'indignais de la vulgarité des Américains, qui disaient « Où est sa tête? Où est son bras ?» Souvent, je me retournais et j'apostrophais la foule pour lui dire ses vérités. « Vous ne voyez donc pas, criai-je, que ce n'est pas la chose même, mais un symbole, une conception de l'idéal de vie ?» Avec ce qui restait de nos économies, nous avions loué un grand atelier avenue de Villiers. Ma mère reprit la musique. Et comme au jour de notre enfance, elle passait désormais des heures à jouer du Chopin, du Schumann et du Beethoven. Nous n'avions ni chambre à coucher ni salle de bain. Raymond peignit des colonnes grecques le long des murs et nous nous procurâmes quelques bahuts de bois sculptés pour y ranger nos matelas. Je passais des journées et des nuits entières dans l'atelier à rechercher une danse qui fût, par les mouvements du corps, l'expression divine de l'esprit humain. Pendant des heures, je demeurais debout, immobile, les mains croisées entre mes seins, à la hauteur du plexus solaire. Ma mère s'alarmait souvent de me voir ainsi immobile et comme en extase. Mais je cherchais, et je finis par découvrir, le ressort central de tout mouvement, le foyer de la puissance motrice, l'unité dont naissent toutes les diversités du mouvement, le miroir d'où jaillit la danse, toute créée. C'est de cette découverte que naquit la théorie sur laquelle j'allais fonder mon école. L'école du ballet enseignait aux élèves que ce ressort se trouvait au centre du dos, à la base de la colonne vertébrale. C'est de cet axe, disent les maîtres de ballet, que partent les mouvements des bras, des jambes et du tronc. Et le résultat donne l'impression d'une marionnette articulée. Cette méthode produit un mouvement mécanique, artificiel, indigne de l'âme. Je recherchais, au contraire, la source de l'expression spirituelle. Après bien des mois d'efforts, pendant lesquels j'avais appris à concentrer toute mon attention sur ce centre unique, je m'aperçus que quand j'écoutais de la musique, les rayons et les vibrations de cette musique se dirigeaient en flot vers cette unique source de lumière qui était en moi, où ils se reflétaient en vision spirituelle. Cette source n'était pas le miroir de l'esprit, mais le miroir de l'âme. Et c'est d'après la vision qu'elle reflétait que je pouvais exprimer sous forme de danse les vibrations musicales. J'ai souvent essayé d'expliquer à des artistes cette première théorie fondamentale de mon art. Il semblait que tout cela fût difficile à exprimer à l'aide de mots. Mais quand, debout devant mes élèves, même les plus petites et les plus pauvres, je disais « Écoutez la musique de votre âme. Ne sentez-vous pas un être intérieur qui s'éveille au fond de vous et que c'est par lui que votre tête se redresse, que vos bras se lèvent, que vous marchez lentement vers la lumière ?» Elle me comprenait. Cet éveil est le premier pas de la danse telle que je la conçois. Je rêvais aussi de découvrir un mouvement initial d'où serait née toute une série d'autres mouvements sans que ma volonté eût à intervenir, qui ne fût-ce que la réaction inconsciente du mouvement initial. J'avais développé ce mouvement en variations sur des thèmes différents. Ainsi, le premier mouvement de la peur, suivi des réactions naturelles nées de l'émotion initiale, ou celui de la tristesse, d'où découlait une danse de lamentation, ou de l'amour, qui s'épanouissait comme les pétales d'une fleur et d'où la danseuse s'élevait comme un parfum. Ces danses n'étaient accompagnées d'aucune musique sonore, mais semblaient naître du rythme de quelque musique invisible. À l'aide de ces études, j'essayais d'exprimer les préludes de Chopin. J'abordais aussi la musique de Gluck. Ma mère ne se lassait jamais de jouer pour moi et répétait toute la partition d'Orphée jusqu'à ce que l'aube parût aux vitres. Un après-midi, on frappa à la porte de l'atelier. Une femme était là. « Je suis la princesse de Polignac, » dit-elle. « Je vous ai vu danser et votre art m'a intéressée. Il a surtout intéressé mon mari, qui est compositeur. » Elle me proposa d'organiser un concert dans son atelier. Elle devina sans doute notre pauvreté et notre gêne, car partant brusquement, elle déposa sur la table d'un geste timide une enveloppe qui contenait 2 000 francs. L'après-midi suivant, je me rendis chez elle et je vis le prince de Polignac, musicien d'un immense talent. Je revêtis ma tunique et je dansai pour lui. Il fut enthousiasmé. Il dit que j'étais la vision et le rêve qu'il avait si longtemps attendu. Ma théorie des rapports entre les mouvements et les sons l'intéressa vivement, ainsi que mes espoirs d'une renaissance de la danse en tant qu'art. Le concert chez la princesse eut un grand succès, et comme elle avait eu l'idée généreuse d'ouvrir son atelier au public et de ne pas limiter à ses amis personnels le nombre des spectateurs, il s'ensuivit un intérêt plus général pour mon œuvre. Un jour, un monsieur avec un riche col de fourrure à son manteau et un diamant à sa bague vint nous voir. « Je viens de Berlin, dit-il, j'ai entendu dire que vous dansiez les pieds nus. » Comme on peut l'imaginer, cette description de mon art me choqua terriblement. « Je suis envoyé par le plus grand music hall pour vous engager immédiatement. » Il se frottait les mains et rayonnait, comme s'il m'apportait la nouvelle d'une aubaine inestimable. Mais je rentrais dans ma coquille et lui répliquais avec hauteur « Merci, je ne consentirai jamais à présenter mon art sur une scène de music hall. » J'irai un jour à Berlin. Et j'espère danser, accompagné par votre orchestre philharmonique, mais dans un temple de la musique, et non dans un music hall, avec des acrobates et des animaux savants. « Quelle horreur! Mon Dieu, non, à aucun prix. Je vous dis adieu. »« Vous refusez 1 000 marks par soirée, » dit-il. « Certainement, » dis-je avec énergie, « et je refuserai 10 000 marks, 100 000 marks. Je cherche quelque chose que vous ne comprenez pas. » Et comme il s'en allait, j'ajoutais « J'irai un jour à Berlin. Je danserai pour les concitoyens de Goethe et de Wagner, mais dans un théâtre qui sera digne d'eux, et sans doute pour plus de 1 000 marks par soirée. » Ma prophétie se réalisa. Et ce même impresario eut le beau geste de m'apporter des fleurs dans ma loge 3 ans plus tard à l'opéra où l'orchestre philharmonique de Berlin jouait pour moi et où la recette dépassait 25 000 marques. Mais pour l'instant, nous avions grand besoin de fonds. Ni l'estime des princes, ni ma renommée grandissante ne nous rapportaient assez pour vivre. Raymond accepta un engagement pour une tournée de concert en Amérique. Nous restâmes seuls à Paris, ma mère et moi. Depuis que j'avais vu son œuvre à l'exposition, le génie de Rodin m'avait poursuivi. je me dirigeais un jour vers son atelier de la rue de l'Université. Mon pèlerinage ressemblait à celui de Psyché cherchant le dieu Pan dans sa grotte. Mais la route que je demandais n'était pas celle d'Eros, c'était celle d'Apollon. Rodin était petit, puissant, avec une tête tondue et une barbe abondante. Il me montra ses œuvres avec la simplicité des très grands. Quelquefois, il murmurait un nom devant ses statues, mais ces noms, on le sentait, avaient peu de sens pour lui. Il passait ses mains sur elles, il les caressait. J'avais l'impression que sous ses caresses, le marbre s'amollissait comme du plomb fondu. Il prit un peu de terre glaise et la pressa entre ses paumes. Il respirait avec force. Le feu s'échappait de lui comme d'une forge. En peu d'instants, il avait formé un sein de femme qui palpitait sous ses doigts. Il me prit par la main, héla un fiacre et vint dans mon atelier. Je mis rapidement ma tunique et je dansais pour lui. Puis je m'arrêtais pour lui expliquer mes théories d'une danse nouvelle, mais je compris bientôt qu'il ne m'écoutait pas. Il me regardait de ses yeux brillants sous ses paupières abaissées, puis avec la même expression qu'il avait devant ses œuvres, il s'approcha de moi. Il passa sa main sur mon cou, sur ma poitrine, me caressa le bras, passa ses doigts sur mes hanches, sur mes jambes nues, sur mes pieds nus. Il se mit à me pétrir le corps comme une terre glaise, tandis que s'échappait de lui un souffle qui me brûlait, qui m'amollissait. Tout mon désir était de lui abandonner mon être tout entier. Et je l'aurais fait avec joie si l'éducation absurde que j'avais reçue ne m'avait fait reculer d'effroi, remettre ma robe sur ma tunique et le renvoyer, plein d'étonnement. Quel dommage! Combien de fois j'ai regretté cette incompréhension puérile qui m'ôta la joie divine d'offrir ma virginité au grand dieu Pan lui-même, au puissant Rodin. L'art et toute la vie en auraient certainement été plus riches. Je ne revis pas Rodin de 2 ans, jusqu'à mon retour de Berlin. Par la suite, il fut pendant des années mon ami et mon maître. Un soir de 1902, Loï Fuller, une autre pionnière de la danse moderne, rend visite à Isadora Duncan dans son atelier. Enthousiasmée par la danse et les théories de la jeune fille, elle propose à Isadora de la rejoindre à Berlin, où elle donne une série de représentations avec Sada Yako, dont elle a fait connaître la troupe lors de l'exposition universelle de 1900 à Paris. Je retrouvais Loï Fuller dans un appartement magnifique à l'hôtel Bristol de Berlin. Une douzaine de jeunes filles étaient près d'elle, qui tantôt lui caressait les mains, tantôt l'embrassait. Elle devait danser ce soir-là, mais je me demandais en la regardant comment elle pourrait faire, car elle paraissait souffrir de douleurs terribles dans la colonne vertébrale. Son entourage charmant lui apportait de temps en temps des poches de glace et les plaçait entre son dos et le dossier de sa chaise. Le soir même, nous étions toutes dans une loge pour la voir sur scène. Comment cette vision lumineuse avait-elle un rapport quelconque avec la malade que nous venions de quitter? Devant nos yeux, elle se métamorphosait en orchidées multicolores, en fleurs de mer ondoyantes, en lys qui s'élevaient comme des spirales. C'était toute la magie de Merlin, une féerie de lumière, de couleurs, de formes fluides. Quel extraordinaire génie! J'étais en extase. Elle se transformait devant les yeux du public en 1000 images colorées. Spectacle incroyable, impossible à décrire, à imiter. Loï Fuller personnifiait les couleurs innombrables et les formes flottantes de la liberté. Elle était l'une des premières inspirations originales de la lumière et de la couleur. Je revins à l'hôtel ébloui et transporté par cette merveilleuse artiste. Nous restâmes quelques jours à Berlin, puis nous partîmes pour Leipzig. À Leipzig comme à Berlin, j'assistais chaque soir aux danses de Loï Fuller. Mon enthousiasme grandissait encore pour son art merveilleux et éphémère. Mais à Vienne, en dépit de mon admiration, je commençais à me demander pourquoi j'avais laissé ma mère seule à Paris. Je n'avais pu qu'assister en spectatrice sympathisante mais inutile à tous les événements de la tournée. Je décidai de télégraphier à ma mère, qui vint me rejoindre. Pendant notre séjour à Vienne, je dansais un soir au Künstlerhaus pour des artistes. Tous les hommes étaient venus avec un bouquet de roses rouges. Et quand je dansais la bacchanale, je fus complètement recouverte de fleurs. Ce soir-là, il y avait dans l'assistance un impresario hongrois qui s'appelait Alexander Gross. Il vint vers moi et me dit « Quand vous voudrez assurer votre avenir, venez me voir à Budapest. » Alexander Gross me proposa un contrat pour 30 soirées au théâtre Urania. Je devais danser seule. C'était la première fois que j'avais un engagement pour danser dans un théâtre. Et j'hésitais. Je lui dis « Ma danse est pour l'élite, pour les artistes, mais non pour le grand public. » Alexander Gross protesta, disant que les artistes formaient le public le plus difficile et que s'ils avaient aimé ma danse, le public l'aimerait 100 fois plus encore. Je me laissais convaincre. Je signais l'engagement. Et les prophéties d'Alexander Gross se réalisèrent. La première soirée au théâtre Urania fut un triomphe indescriptible. 30 soirs de suite, je dansais devant une salle comble. Ah, Budapest! C'était le mois d'avril. Éclatant de sève printanière, la magnifique ville de Budapest commençait à se couvrir de fleurs. Sur les collines, de l'autre côté du fleuve, les lilas embaumaient dans tous les jardins. Chaque soir, l'exubérant public hongrois m'acclamait avec frénésie et les spectateurs jetaient leurs chapeaux sur la scène en criant « Bravo !» L'enthousiasme du public et mes premiers soupers en compagnie de gens insouciants et sensuels, la musique des tziganes, la goulash hongroise et les lourds vins de Hongrie, c'étaient les premiers repas véritables que je prenais, les premières fois que je goûtais l'excitation de la bonne chair. Tout contribua à me faire voir en mon corps autre chose qu'un instrument destiné à exprimer l'harmonie sacrée de la musique. Mes seins, qui jusqu'alors étaient à peine formés, commencèrent à se développer. Et l'étonnement que j'éprouvais me charmait et m'embarrassait à la fois. Mes hanches, qui me donnaient la veille encore une allure de garçon, s'arrondirent. Et par tout mon être, je ressentais une immense impression d'attente. Un appel qui montait en moi et dont le sens n'était que trop clair. Je ne pouvais plus dormir la nuit. Je me retournais, je m'agitais, fiévreuse et douloureuse. Un après-midi, dans une réunion d'amis, je vis au-dessus d'un verre de toqué doré deux grands yeux noirs qui brillaient et dont la flamme pénétrait en moi si chargée d'ardente adoration et de passion hongroise que tout le sens du printemps à Budapest se trouvait dans ce seul regard. L'homme était grand, d'une stature magnifique. Il avait des cheveux bouclés admirables, d'un noir adouci de reflets bleus. Il aurait pu poser pour le David de Michel-Ange. Quand il souriait, entre ses lèvres rouges et sensuelles luisaient de solides dents blanches. Dès notre premier regard, toute la puissance d'attraction que nous possédions se rua hors de nous pour une folle étreinte. Dès notre premier regard, nous étions déjà nus dans les bras l'un de l'autre et aucune puissance terrestre n'aurait pu nous arrêter. Il me donna un petit carré de papier qui portait ces mots « Loge pour le Königliches Nationales Theater ». Nous allâmes le soir même, ma mère et moi, le voir jouer. C'était un excellent acteur. Et il devint par la suite le plus grand artiste de Hongrie. Le soir, après son théâtre et le mien, je le retrouvai dans le salon à l'insu de ma mère qui croyait que je dormais. Au début, mon Roméo était heureux simplement de me réciter ses rôles, de parler de son art et du théâtre. J'étais heureuse de l'écouter. Mais peu à peu, je remarquais qu'il paraissait troublé, parfois même bouleversé et sans voix. Un soir, perdant tout contrôle de lui-même, il m'emporta sur le canapé. Épouvanté, ravi d'extase, puis criant de douleur, je fus initié au geste de l'amour. J'avoue que mes premières impressions furent une horrible frayeur, une douleur atroce, comme si l'on m'avait arraché plusieurs dents à la fois. Mais la grande pitié que m'inspiraient les souffrances qu'il semblait lui-même ressentir m'empêcha de fuir ce qui ne fut d'abord qu'une torture. La représentation que je donnais le soir suivant fut, je le crains, bien mauvaise. Car je me sentais comme estropié. Pourtant, quand je revis Roméo dans notre salon, il était dans un tel état de joie et d'exaltation que je me sentis payé de toutes mes souffrances et que je n'eus plus qu'un désir, recommencer. Surtout quand il m'eut dit d'une voix tendre que ma douleur cesserait et que je connaîtrais enfin ce qu'est sur terre le paradis. Prophétie qui d'ailleurs se réalisa bientôt. Mon tempérament était déjà ce qu'il n'a jamais cessé d'être depuis. Quelle que soit la violence de la sensation ou de la passion, mon cerveau n'en continue pas moins de travailler avec une rapidité d'éclair. Et pourtant, le moment vient où le cerveau capitule. Ainsi, venant à peine de faire l'expérience du désir, de l'approche progressive et de l'abandon de ces heures qui conduisent à la fureur dernière, je ne me souciais plus de la ruine possible de mon art, du désespoir de ma mère, de la destruction et de la fin du monde. Que ceux qui le peuvent me jugent, mais qu'ils blâment plutôt la nature, ou Dieu, d'avoir fait de cette minute suprême le bien le plus désirable de l'univers. Alexander Gross organisa pour moi une tournée à travers la Hongrie. D'un bout à l'autre de cette tournée, je connus des ovations extraordinaires. Dans chaque ville, Alexander Gross mettait à ma disposition une victoria remplie de fleurs blanches traînée par des chevaux blancs. Et toute vêtue de blanc, au milieu des acclamations et des cris, j'étais conduite à travers la ville comme une jeune déesse descendue d'un autre monde. Mais en dépit de ce triomphe, j'éprouvais une intolérable souffrance à me sentir loin de mon Roméo. J'aurais donné tout mon succès, tout mon art, pour passer un moment dans ses bras. Et je me languissais du jour où je rentrerai à Budapest. Ce jour-là arriva. Sans doute, Roméo me retrouva à la gare avec une joie ardente, mais j'eus l'impression que quelque chose était changé en lui. Et un jour, au cours d'une longue promenade, il me demanda enfin si je ne pensais pas que je ferais mieux de poursuivre ma carrière et de le laisser poursuivre la sienne. Ce ne sont pas là les mots qu'il employa, mais c'est bien ce qu'il voulut dire. Je me rappelle le coup que je ressentis à la poitrine. L'après-midi même, je signai avec Alexander Gross un engagement pour Vienne, Berlin et toutes les villes d'Allemagne. Le lendemain, je partis pour Vienne. Roméo n'était plus. Toute la joie du monde semblait s'être envolée soudain. À Vienne, je tombai malade et Alexander Gross me fit entrer dans une clinique. Je passai plusieurs semaines dans un état de complet abattement au milieu d'horribles souffrances. Je demeurai longtemps convalescente et Alexander Gross m'emmena à Franzensbad pour achever ma guérison. J'étais languissante et triste et je refusais de m'intéresser à la beauté du paysage, à la douceur de l'amitié. Mais heureusement pour moi, sans doute, les frais de médecin et d'infirmière épuisèrent notre compte en banque. Et Gross organisa des représentations à Franzensbad, à Marienbad et à Karlsbad. Si bien qu'un jour, je rouvris ma malle pour en sortir mes tuniques de danse. Je me rappelle que je fondis en larmes en embrassant le petit costume rouge dans lequel j'avais dansé toutes mes danses révolutionnaires. Et je jurais de ne plus jamais abandonner l'art pour l'amour. La tristesse, les douleurs, les désillusions de l'amour, je transformais tout en art. Et je retournai en Allemagne pour une série de représentations. Munich était alors une véritable ruche d'activités artistiques et intellectuelles. Les merveilleuses collections des musées, l'air vif d'automne qui soufflait des montagnes ensoleillées, la fréquentation des divers professeurs de philosophie, tout conspira à me faire revenir à la conception intellectuelle et spirituelle de la vie que j'avais abandonnée. Je commençai à apprendre l'allemand, à lire Schopenhauer et Kant dans le texte. Et je fus bientôt capable de suivre avec un plaisir extrême les longues discussions entre artistes, philosophes et musiciens qui se réunissaient chaque soir au Künstlerhaus. Toute la vie de Munich s'y concentrait alors. Et les maîtres Karlsbach, Lembach et Struck s'y rencontraient quotidiennement pour discourir sur l'art et la philosophie. Gross voulait que mon début eût lieu au Künstlerhaus. Lembach et Karlsbach acceptèrent volontiers. Mais Strouk prétendait que la danse ne convenait pas à un temple de l'art comme le Künstlerhaus. Un matin, j'allai le trouver chez lui, et pour le convaincre de la valeur de mon art, je revêtis ma tunique, je dansai devant lui, et l'entretins pendant 4 heures du caractère sacré de ma mission et de la danse en tant qu'art. Il raconta souvent à ses amis par la suite qu'il n'avait jamais éprouvé pareil étonnement dans sa vie. Il avait eu l'impression, leur confiait-il, qu'une dryade de l'Olympe lui était soudain apparue. Il donna en tout cas son consentement, et mes débuts au Künstlerhaus furent l'événement artistique le plus considérable qui se fût produit à Munich depuis de nombreuses années. En rentrant à Berlin, je fus stupéfaite de voir les murs ornés d'affiches flamboyantes qui annonçaient mes débuts à l'opéra avec l'orchestre philharmonique. Alexander Gross nous mena à l'hôtel Bristol où toute la presse allemande attendait ma première interview. J'étais dans un état d'esprit si grave, si spirituel, que j'étonnais profondément ces messieurs de la presse en exposant en mauvais allemand ma conception naïve et grandiose de l'art de la danse comme « die größte ernste Kunst » qui allait amener la renaissance de tous les autres arts. Comme ces journalistes allemands me portaient plus d'attention que ceux à qui je devais, plus tard en Amérique, exposer mes théories. Ils m'écoutèrent, pleins de respect et d'intérêt. Et le lendemain, de longs articles paraissaient dans les journaux allemands d'une tenue intellectuelle, artistique et philosophique extraordinaire. Alexander Gross était un pionnier courageux. Il avait risqué tous ses capitaux pour lancer mes représentations à Berlin. Il n'avait reculé devant aucune dépense de publicité. Il s'était assuré la première salle d'opéra et le meilleur des chefs d'orchestre. Et si, quand le rideau se leva devant un décor réduit à ma simple toile de fond bleu et ne montrant qu'une petite danseuse sur une scène immense, je n'avais pas fait naître dès le premier moment les applaudissements du public étonné, cet échec aurait été pour lui une ruine totale. Mais il avait été bon prophète. Je produisis l'effet qu'il avait prévu. J'emportai les faveurs de Berlin. Un soir, Raymond revint soudain d'Amérique. Il avait la nostalgie de la famille et nous dit qu'il ne pouvait plus vivre séparé de nous. Nous reprîmes alors un projet que nous avions longtemps caressé, celui de faire un pèlerinage à l'hôtel sacré de l'art par excellence, d'aller voir notre Athènes bien-aimée. Je ne me sentais qu'au seuil de mon art. Et après une courte saison à Berlin, je réussis à vaincre les prières et les lamentations d'Alexander Gross. Nous prîmes le train pour l'Italie, les yeux brillants et le cœur battant, pour faire en famille, en passant par Venise, notre long voyage vers la Grèce. Isadora Duncan, Ma vie, lue par Odja Lorca, avec la voix de Julien Alouf. Traduction, Jean Alary. Choix des extraits, Pauline Timonier. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage, mixage, Claude Niort, Bastien Varigaud. Assistante à la réalisation, Manon Dubus. Réalisation, Laure Egoroff. Ma vie est publiée aux éditions Gallimard.